Je voulais essayer, j'ai sur ma carte externe Omega, là je voulais essayer le SPDIF, j'ai rien compris. Allez, travaille bien. Test. Ah mais merde, je t'avais pas vu, Sharon. D'habitude, on te voit pas, on t'entend. Oui, bah, j'en suis loin d'avoir besoin de 24 pistes. Moi, j'ai 6 entrées, ça me suffit. Oui, je vois pas bien à quoi ça peut servir, surtout avec Cubase, tu travailles les trucs les uns derrière les autres. Allez, travaille bien. Eh, c'est toi qui payes, je vois pas pourquoi il va te tuer. Ah, ça, c'est, ça, tu t'en prends qu'à toi-même. T'as qu'à pas faire l'andouille sur Ninjam. Des casques, j'en ai 1, 2, 3, 5. Dont un sans fil, et c'est pas top. Pourtant, c'est un bon, et comme c'est de VHF, là, du VHF, comme dès qu'il y a des trucs qui chient, un téléphone portable ou un truc comme ça, tu te le prends dedans. Ouais, il faut y mettre le prix, hein, dans un sans fil, hein, quand même. Pas prendre un sans fil à 15 euros, hein. Celui que j'ai, c'est un Thomson, il marche assez bien. Hein. Ah ouais, bah j'en ai eu un. Il est dans mon atelier, démonté. J'avais acheté ça. C'était pourtant pas bon marché, mais c'est une grosse merde. Ça vaut la peau du cul. Oh. Moi j'ai un micro Shure et celui que j'utilise là c'est un merde. Oh putain, je vais y arriver. Un Behringer. Bah attends, il est meilleur que le Shure qui vaut trois fois plus cher.